Épilogue. Upléas resta habité encore de nombreuses années. Dès les festivités de la fin de l'année, qui suivirent l'entretien de Zélé avec ses parents, la reine Zeninouma abdiqua et son héritière légitime, la princesse Zélé, fut couronnée. Couronnée n'était qu'une image, car elle ne porta jamais de couronne. Elle cessa de porter les perles de rubis qui avaient orné son front toute sa vie, et fit retirer le rubis qui avait été implanté dans son bras. L'aveu de l'adoption de la princesse avait ébranlé un peu plus la confiance que portait le peuple en sa reine. Elle demeura toutefois populaire auprès de la majorité, dans le cœur des plus âgés surtout. Et son départ du Pléas fut vécu comme un deuil national. L'atmosphère des rues et des expressions sur les visages furent ternes durant de longs jours. Zélé, elle, l'avait vécu comme une libération. Elle fut, à partir de ce moment, sûre de ne plus recevoir d'ordre, de ne plus être influencée dans ses décisions par une pensée obsolète. Elle avait aussi été désespérée par la réaction du peuple, souffrant de voir sa bien-aimée reine le quitter à jamais. Combien de mensonges, de trahisons, fallait-il pour qu'un départ fût enfin célébré comme une victoire et pour comprendre que seule l'implication de chacun dans les décisions mènerait à un monde juste. Bien que son impatience de quitter cette planète de sable ne pouvait être plus grande, qui vivre l'insupportait chaque jour un peu plus, qu'elle enviait les positions d'Ormaïne de Xenia sur sa planète natale, si proche et si lointaine à la fois, Zélé avait bien conscience que rien ne devait être précipité, sans quoi elle pourrait voir s'écrouler le lourd travail d'une décennie en peu de temps. Elle se le répétait à chaque réveil et à chaque coucher pour tenir. Upléas ne pouvait être déserté en quelques mois. Zélé devait mettre fin à la monarchie avant d'envisager l'exode des Upléens. Qu'ils aient tous en tête, à leur arrivée sur Nikéas, que ce monde n'aurait rien de comparable avec l'ancien, qu'aucun chef suprême ne les dirigerait, et que ce serait à chacun d'agir et de participer pour faire société. Et puis il y avait Goba. L'oasis était ce qui lui correspondait le mieux. Il aimait son lieu de vie, et c'était sur Upléas que Zélé était la plus à même de passer du temps avec lui. Alors, même quand tout fut prêt, même après des années d'attente, et que presque l'entièreté des Upléens était partie vivre sur Nikéas, Zélé était resté dans l'unique intérêt de Goba. Ils vécurent un peu comme sur une île déserte. La petite centaine d'irréductibles Upléens qui avait décidé de finir ses jours sur Upléas, ne donnait que peu de travail à Zélé. Il se gérait très bien tout seul. L'oasis était devenue sa demeure. Elle et Goba y passèrent de belles années de repos. Zoku avait été parmi les premiers à partir s'installer sur Nikéas, et ne donna plus signe de vie. Ormaïne et Xenia constituèrent leurs uniques invités, leur rendant visite 2 à 3 fois l'an. En vieillissant, Goba était devenu sage et plus casanier que jamais. Il refusa de quitter le cratère vert. Il ne s'élançait plus dans l'étang. Il se roulait mollement dans l'herbe parfois. Il dormait beaucoup, mais n'avait jamais cessé d'accourir, même lentement, vers Zélé, lorsqu'il sentait les vibrations de ses pas sur le sol. Et quand il mourut, les portes du palais, qui étaient devenues un musée et centre d'art, furent définitivement fermés, et Zélé quitta à jamais la planète Ruby. Sur Nikéas, Ormaïne avait été élu représentant du continent Ayo, et était accueilli chaleureusement dans tous les villages où il se rendait. Il connaissait cette terre, cette culture, il était né ici et se sentait chez lui, à sa place parmi les villageois. La population de l'Ayo était sans nul doute la plus investie dans l'établissement du Nouveau Monde. Comment aurait-il pu en être autrement? Ses habitants étaient ceux qui avaient le plus combattu les mercenaires et avaient pris une part active dans la libération de Nikéas aux côtés du comète. Ils se structuraient, les villages échangeaient et de nombreux groupes partaient à la rencontre des peuples des autres continents. Le statut de représentant d'Ormaïne correspondait plus à celui d'un porte-parole pour les échanges internationaux. qu'à celui d'un dirigeant. Son action était équivalente à celle de tout autre citoyen. Il s'en réjouissait d'ailleurs. Être sur le devant de la scène, ou décider pour d'autres, n'avait jamais été un rôle qu'il avait souhaité tenir. Xenia, installée à l'est en Enrefe, avait reçu un accueil triomphal. Aucun de ceux plus âgés qu'elle n'avait oublié son existence. Et même dans les contrées où elle n'était jamais allée, sa beauté, l'existence d'une femelle aux yeux roses, avait été colportée au travers de tout le continent. Les plus jeunes apprenaient encore son nom dans des poèmes à la gloire de Dieu. Accueillie par les siens comme le Messie, marchant au milieu des foules prosternées, le discours qu'elle leur tint fut reçu avec stupéfaction. Ils étaient sensiblement pareils à ceux tenus jusqu'ici par tous les émissaires, dont Zélé, qui avait tenté d'ouvrir le dialogue avec cette population bigote. L'avancée fut qu'elle ne provoqua aucune colère, aucun rejet, mais une simple incompréhension. Larissée, après les avoir quittés sur la plage lors de leur pèlerinage, était rentrée dans leur village et avait raconté à tous le choix de Xenia et d'Amirefoa. D'aller par-delà l'océan sacré, elle avait insisté sur l'évident blasphème d'un tel acte. Et malgré cela, jamais la réputation de Xenia ne fut entachée. Avec le temps, cela avait été interprété par la population comme la réponse à un appel divin qu'elle seule, l'élu, pouvait entendre et se permettre de suivre. Amirefoa avait été totalement effacée des différentes versions qui circulaient. Lors de la réapparition de Xenia, la population s'était attendue à l'entendre prononcer un discours de Dieu, qu'elle était revenue de l'océan pour leur délivrer un message. En rejetant cela dès ses premières phrases, personne ne sut quoi penser. Xenia laissa s'écouler plusieurs semaines avant de reprendre parole après son démenti. Elle ne leur demanda pas de croire les étrangers qui parlaient de peuples opprimés, de croire qu'il y avait des terres au-delà de l'océan, ou que leur planète n'était qu'une parmi des milliards. Elle leur parla simplement des millions de Bolbolko en détresse au sud de la chaîne de Dieu, en Noët, qu'ils se devaient de venir en aide à la plus divine des créatures. Ça aurait été un péché que de refuser. Et ce fut par les Bolbolko que les habitants de Enrefe acceptèrent d'aller sur des terres inconnues et de s'ouvrir au monde. Le système Reas connaissait une véritable paix, mais en sursis. La paix durerait le seul temps du protectorat. Passé ce délai, il faudrait que les conditions soient remplies pour redevenir membre du comète. La luxuriance de Nikias permettait aisément aux Nifiens d'y vivre en autosuffisance. Et désormais, avec sa population réduite, il en allait de même pour Upléas. Ce n'était point pour l'eau que Reas pourrait avoir besoin des autres planètes du comète comme alliés. Mais davantage pour éviter de voir l'histoire se répéter. Il leur appartenait de se concentrer et de se plier à quelques concessions pour se garantir un avenir prospère. Sur une planète membre du comète, à l'autre bout de la galaxie, Zeninouma et Idlé étaient partis officiellement en retraite et officieusement en exil. Ils ne reverraient jamais Upléas et jamais n'auront foulé le sol libre de Nikéas. Ce fut la génération qui naquit après le départ de la reine qui commença à la voir d'un œil critique et osa la juger pour ses actes et surtout son inaction. Elle eut vent de tout cela. Idlé avait bien tenté, en vain, de la raisonner et de l'inviter à ne plus s'informer sur la politique ou les débats animant le système Reas, de profiter des dernières années qu'il leur restait à vivre ensemble, paisiblement dans leur campagne. C'était chose impossible pour Zeninouma. Elle n'avait rien connu d'autre dans sa vie et ne voyait pas le monde autrement. Comme Idlé l'avait craint, son règne fut entaché par l'affaire Nikéas. La tâche était si grande qu'elle masqua tout le reste de ses 37 années au pouvoir. Zeninouma en fut détruite psychologiquement, et le surnom que lui donna l'histoire, qui apparut quelques mois avant sa mort, l'acheva. Zeninouma la sanglante. Zélée, après la mort de Goba, ne quitta pas Eupléas pour Nikéas. Elle rejoignit directement Ormaïn et Xenia, hors du comète. Avant la mort de Goba, ces derniers avaient décidé qu'ils n'avaient plus rien à apporter à l'unification des peuples, et s'étaient envolés, au-delà des frontières du comète, pour agir auprès de l'association Amoa. Ils se dévouaient aux enquêtes et actions de libération. Xenia comptait répondre à la proposition que lui avait faite Zélée plusieurs années auparavant. Rencontrer Dieu. Alors, avec Zélée à leur côté et quelques autres membres de l'association, ils créèrent une cellule dédiée à la traque des sauvegardes de la source pour l'effacer définitivement et fermer, partout dans la galaxie, les élevages qu'il avait créés, peu importait l'espèce.